إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 78 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, le chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est Babun Maja'a fil Fitan. Babun Maja'a fil Fitan. C'est-à-dire les choses qui ont été ramenées dans les hadiths au sujet des épreuves, des tribulations, des problèmes qui apparaissent dans la Ummah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prophétisé dans plusieurs hadiths qu'il y allait y avoir des fitan, des troubles dans cette Ummah. Et il en parle. Et on va expliquer tout ce qui a été mentionné donc comme verset et comme hadith à ce sujet-là dans le livre par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le Cheikh, il parle des fitan après avoir parlé du sujet, des sujets qui ont été mentionnés dans les chapitres précédents, au sujet de l'obéissance aux dirigeants et au sujet du fait de sortir contre la jama'a, c'est-à-dire les révoltes contre les dirigeants. Et pourquoi il parle de ça après cela? Parce que le fait de se révolter contre les dirigeants et le fait de sortir contre la jama'a, c'est ce qui cause les fitanes en grande partie. S'il y a des fitanes dans la umma, c'est souvent à cause de ça. Et donc c'est une conséquence de yani, la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les questions qui ont rapport avec le pouvoir et la gouvernance et les questions politiques. Et c'est ça souvent qui cause des fitanes entre les musulmans et leurs dirigeants. Donc il parle de ça après. Et donc, on voit la relation qu'il y a entre les chapitres. Le Cheikh, il cite dans ce chapitre comme verset dans le Coran, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً الآية. وَقَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي هُوَ الْقَادِرُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا الآية. Donc, le Cheikh, il mentionne deux versets. Le premier verset est, yani, craignez une fitna, une épreuve, une tentation, ou, yani, le terme fitna, il peut avoir plusieurs significations. Hein? Donc, craignez une fitna qui ne touchera pas uniquement aux injustes d'entre vous, ou à ceux d'entre vous qui ont fait de l'injustice. C'est-à-dire que la fitna, quand elle tombe, elle est générale. Hein? Ceux qui yani, n'ordonnent pas le bien, n'interdisent pas le mal aux autres, ils risquent d'être touchés par le mal qui touche les gens, même si eux-mêmes, ils étaient bons en eux-mêmes, parce que ils n'ont pas ordonné le bien, ils n'ont pas interdit le mal, ils n'ont pas réformé la société. Donc, on va donc expliquer ce premier verset-là après avoir lu l'autre. Le Cheikh, il dit comme deuxième verset, وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la capacité de faire tomber sur vous un châtiment de par au-dessus, hein, par au-dessus de vous. أو من تحت أرجلكم, ou par en dessous de vos pieds. أو يلبسكم شيعة, ou bien il vous fait tomber dans le schisme et la division. Donc ça c'est un autre exemple, hein, de châtiment et de fitan. Et on va lire l'explication de ça par le Cheikh Salih Al-Fawzan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, قوله تعالى, ou قوله, باب ما جاء في الفتن، أي ما ورد في من التحذير من الفتن في الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قد حذر من الفتن في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، ومن ذلك ما يجري من بعض الولاة من التصرفات السيئة، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولو ترك الناس بلا امتحان لصاروا سواء. Donc le cheikh il explique que le titre du chapitre, qu'est-ce qui a été rapporté de la, comme avertissement dans le Coran et dans la Sunna au sujet des tribulations et des troubles. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti contre les fitan dans son livre. Et par la langue de son messager, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le mot fitan, c'est le pluriel du mot fitna. Et ça vient de l'épreuve et du test. De l'épreuve et du test. Al-ibtila wa al-imtihan. L'examen, l'épreuve, le test. C'est ça l'origine. Du mot fitna. Et il dit wa min dhalika ma yajri min ba'd al-wulat, c'est-à-dire c'est parmi les choses qui rentrent dans les fitan, il y a ce qui se produit de la part de certains dirigeants comme comportement mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs et il les teste pour distinguer celui d'entre eux qui est véridique de celui qui est menteur, pour distinguer celui qui est croyant de celui qui est hypocrite. Et s'il laissait les gens sans épreuve et sans test, alors dans ce cas-là, tout le monde serait égaux. Hein? S'il n'y avait pas de test, s'il n'y avait pas d'épreuve, il y en a pour les croyants, tout le monde serait pareil. Hein? Mais par les épreuves, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala élève certains et c'est comme ça qu'il en rabaisse d'autres. Et le cheikh, il dit ensuite, « فَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْرِيَ الْفِتَنَ حَكِيمٌ. Est-ce que tu peux mettre le truc un peu plus loin? Parce que sinon je ne pourrais pas... Barakallahu fik. Naam. فَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ أَنْ يَجْرِيَ الْفِتَنْ وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَلِفْ لَمْ مِيمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يحصل التمايز إلا إذا حدثت الفتن فالمؤمنون الصادقون يثبتون والكاذبون والمنافقون يسقطون والله قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il explique que يعني Allah سبحانه وتعالى ça fait partie de sa sagesse qu'il a voulu qu'il y ait des épreuves et des fitnes qui se produisent et c'est pour confirmer la parole du Coran lorsqu'il dit dans le verset 1 à 3 dans Sourate Al-Ankabut, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés à dire nous croyons et que nous n'allons pas les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui sont venus avant eux pour que Allah sache qui d'entre eux allait être véridique et pour qu'ils sachent qui sont les menteurs. Il dit, et également, ce qui est dit dans le verset 179, dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas laisser les croyants dans l'état dans lequel ils sont, jusqu'à ce qu'ils distinguent entre le mauvais et le bon. Jusqu'à ce qu'ils distinguent entre le mauvais et le bon. Et Allah n'est pas tel à laisser à vous laisser connaître l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous dévoiler l'invisible. Mais c'est pour nous montrer qu'il y a une sagesse dans le fait qu'il y ait des épreuves pour les croyants. Et c'est pour distinguer le bon du mauvais. Donc il y a une sagesse là-dedans. Il dit fala yahsulu tamayuz, donc il y aura pas de distinction de distinction entre les le bien et le mal, le mauvais et le bon, entre le croyant véridique et l'hypocrite et le menteur, excepté par les épreuves et par les tests. Hein, des fois les gens ils disent oh mais pourquoi il y a toujours des problèmes, pourquoi il y a toujours des difficultés, pourquoi il y a toujours des épreuves, hein? Pourquoi? Parce qu'ils veulent, ils voudraient ou ils souhaiteraient parfois que tout soit toujours bien, tout aille toujours bien, et que tout soit toujours facile, et que tout soit toujours rose, hein, comme on dit. Mais c'est pas pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé le monde dans lequel on vit dans le but de hein, laisser les gens vivre une vie de calme et de paix et de repos. Parce que cette vie d'ici-bas, c'est pas le paradis. Hein, c'est un monde et une vie qui est un test à la base, une épreuve. Et donc c'est normal qu'il y ait des épreuves et des difficultés. Et le cheikh il explique que les croyants qui sont véridiques, eux, ils vont rester fermes dans les épreuves. Tandis que les menteurs hypocrites, eux, ils vont tomber. Hein. Et il mentionne le verset 11 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Et parmi les hommes, il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la limite. À la limite, c'est-à-dire, yani, s'ils trouvent un bien, eh bien, ils sont en paix et ils sont tranquilles. Mais s'ils sont touchés par une épreuve, eh bien, ils reviennent sur leur, yani, ils tournent de bord, complètement. Et donc, ils perdent ainsi cette vie d'ici-bas et ils perdent l'au-delà à cause de ça. Donc, le vrai croyant, non. Le vrai croyant, il est ferme. Que ce soit une situation difficile ou une situation facile, il reste accroché. Et le cheikh, il dit, wal fitnatu ala anwa. Fitnatu shubuhatin wa fitnatu shahawatin. Fa amma fitnatu shubuhati fatakunu fil aqidati ka fitnati al khawarij wal mu'tazila wal jahmiya wal shi'a wa ghayrihim min al firaq. الذين انحرفوا في عقيدتهم بسبب الشبهات التي بدت لهم وكذلك الشبه التي أضلت عباد القبور الذين عبدوا غير الله حيث طافوا بالقبور وذبحوا لها وطلبوا من أصحابها العون والمساعدة وتوسلوا بهم وسبب ذلك كله إنما هو الشبهة التي استقرت في أنفسهم بأن هؤلاء الأموات يَنْفَعُونَ وَيَضُرُّونَ. Donc le cheikh il dit que la fitna, elle est de différentes catégories. Il y a différentes catégories de fitna. Et il y a deux grandes catégories de fitna que les ulama ils mentionnent. La première c'est les shubuhat et la deuxième c'est les shahawat. Les shubuhat, c'est la fitna des shubuhat, c'est dans les questions qui ont rapport avec la foi et la croyance. C'est-à-dire que quelqu'un est frappé ou touché par des doutes ou des ambiguïtés ou des paroles qui lui mettent des confusions dans sa croyance ou dans sa compréhension de la religion. Et souvent, ces choubouhats-là sont propagés par des innovateurs ou par des gens de bid'a, hein, par des sectes. Et il mentionne à ce sujet-là l'exemple des Khawarij, la secte des Khawarij, la secte des Mu'tazila, la secte des Jahmiya, la secte des Shia. Et chacune de ces sectes a dévié dans une question parmi les questions, hein, dans une question ou plusieurs questions qui sont reliées à la croyance islamique. Hein. Comme par exemple les Khawarij, ils ont dévié dans la question de la foi et des choses de ce genre, hein, parce qu'ils ont déclaré toute personne qui fait des grands péchés comme étant mécréant. Et ils se révoltent contre les dirigeants musulmans lorsque ces dirigeants-là font des péchés. Donc ça c'est un exemple d'égarement et de fitna dans la aqidah. Et l'exemple des Mu'tazila, qui ont dévié dans le Qadar, et qui ont dévié dans d'autres questions aussi, d'autres sujets. L'exemple des Jahmiya, qui ont dévié dans des questions qui sont reliées avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la foi, avec la prédestination, avec principalement également aussi la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque eux, ils refusent d'affirmer des noms ou des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un exemple d'égarement et de déviation, et la déviation des Shia Rafida, qui ont dévié, par exemple, à propos des Sahaba, qui ont dévié à propos, yani, des imams, de leurs imams et des choses de ce genre. Ils ont toutes sortes d'autres questions aussi. Et ils ont dévié sur des questions aussi qui ont rapport avec l'imam ou le khilafa et des choses de ce genre. Donc, chacune de ces sectes a des déviations et ils ont des ambiguïtés pour essayer de faire tomber les gens dans leur secte. Et il y en a d'autres également. Donc ça, c'est parmi les sectes. Mais il y a aussi les soufis et il y a aussi beaucoup d'autres sectes qui ont dévié dans la croyance, dans leur croyance. Et donc, ceux qui ont dévié dans leur croyance à cause des shubuhat, à cause des ambiguïtés, à cause des doutes qu'ils ont reçus, ça, c'est un exemple d'égarement. Il y a aussi les égarements et les ambiguïtés qui ont égaré les gens qui adorent les tombes. Il y a une partie des musulmans ou des gens qui se disent musulmans qui adorent des saints, qui adorent des tombes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils font des pèlerinages à ces tombes et ils vont faire des tours autour de la tombe et ils égorgent des animaux, ils sacrifient des animaux pour les morts et ils leur demandent de l'aide et du support en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah dans leurs invocations. Donc, tout ça, c'est des exemples de shirk et de bid'ah qui ont été ramenés par une partie des gens qui ont dévié justement dans les questions de la croyance islamique et qui se sont égarés à cause de ça. Et donc, ça fait partie des exemples des fitanes. Ça fait partie des exemples des fitanes qui ont rapport avec les shubuhat et la croyance. Et c'est souvent parce qu'on leur a lancé une ambiguïté qui est restée prise en eux-mêmes et ils n'ont pas su comment la repousser ou la réfuter à cause de leur manque de savoir ou leur manque de compréhension ou leur manque de connaissance des textes de la révélation. Et donc, ils ont cru que les morts pouvaient leur profiter ou leur nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont tombés dans le shirk à cause de ça. Donc, ça, c'est la catégorie des fitan qui sont reliés aux shubuhat, aux ambiguïtés et à la croyance. Maintenant, il y a des fitan qui sont reliés aux shahawat. Et shahawat, c'est ce qu'on appelle les tentations reliées au péché et aux choses interdites. Et le shaykh, il dit, « Wa amma fitnatu shahawat, fahiya akhaf. وتكون في المعاصي وهي دون الشرك كشرب الخمر والزنا فهذه الأمور تشتهيها النفوس فتميل معها. Donc ça, c'est une autre catégorie de shubuhat de shahawat, ou une autre catégorie de fitan, c'est les tentations reliées aux interdictions et aux péchés et aux choses que l'âme désire, les péchés qui sont reliés par exemple à l'alcool, au zina, l'adultère, la fornication, et les choses que l'âme désire, ou les choses qui font pencher les gens vers les plaisirs illicites. Et donc, le shaykh, il dit, وَقَدْ تَكُونُ الْفِتَنْ بِالْمَصَائِبِ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَبْتَلِ عِبَادَهُ بِالْمَصَائِبِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فهذا موقف أهل الإيمان عند المصائب الصبر والاحتساب والاستسلام لقضائه تعالى وأما موقف ضعاف الإيمان عند المصائب فإنهم يتسخطون ويشتكون فتراهم يلجؤون على النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب. Donc le cheikh, il explique qu'il y a aussi une autre catégorie de fétan qui sont reliés aux malheurs, les malheurs qui nous atteignent, les malheurs qui nous touchent dans la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs par ces différents malheurs qui peuvent les toucher. Comme par exemple, comme le cheikh il mentionne le verset 155 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va nous éprouver par quelque chose de la crainte, de la faim, d'un manque de bien, ou d'une perte de vie, ou bien par la perte des fruits, et ainsi de suite. Et ça, c'est comme par exemple la mort d'un proche, la perte de bien, par un malheur relié à des accidents, des catastrophes, des malheurs, il y en a de toutes sortes qui peuvent toucher à nos personnes, qui peuvent toucher à nos biens, qui peuvent toucher à nos proches, et ainsi de suite. Et tout ça, ça fait partie des épreuves, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin du verset, et annonce la bonne nouvelle aux endurants, aux patients, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur quelconque, disent, c'est à Allah, hein, c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Et ça, c'est la position des gens de la foi. Lorsqu'ils sont touchés par un malheur quelconque, ils font preuve de patience et d'endurance et ils vont dire, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et donc, ils font preuve d'endurance, ils cherchent la récompense d'Allah dans ce malheur-là. Et comment ils cherchent la récompense d'Allah dans ce malheur? C'est en étant patient, en étant satisfait de ce que Allah a décrété et en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala du fait que ils auraient pu avoir une épreuve plus dure. Mais Allah les a épargnés en leur donnant quelque chose de plus facile à supporter. Puis de se soumettre et d'accepter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les gens qui ont la foi faible, lorsqu'ils sont frappés par un malheur quelconque, au lieu de se retenir, eh bien, ils commencent à se mettre en colère contre Allah ou de se plaindre de ce que Allah a décrété, commencent à critiquer le décret divin, la prédestination, et ainsi de suite. Et donc, tu les vois commencer à se lamenter. Ils se lamentent, ils se frappent, ils vont déchirer leurs vêtements, des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de sabr. Leur foi ne les pousse pas vers la patience et l'endurance. Le cheikh, il dit ensuite, وقد تكون الفتن بالأموال والأولاد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فالأموال فتنة هل يلتزم صاحب الأموال بالكسب الحلال والإنفاق بما يرضي الله تعالى أو يحمله حب المال على المجازفة بالمعاملات فيقع في الربا والميسر وما أشبه ذلك من البيوع المحرمة والمكاسب المحرمة وقد تكون الفتنة بتصريفها هل ينفقها في طاعة الله ومرضاته ويخرج زكاتها أو ينفقها في معصيته وسخطه فيستعين بها على الشهوات المحرمة والملذات الهابطة وأما الفتنة في الأولاد فتكون في تربيتهم هل يربيهم على الطاعة والخير ويصبر على ما يصيبه من جراء ذلك من التعب أم يتركهم ويضيعهم. Donc le cheikh il dit la fitna ça peut aussi être dans les biens, les biens que tu as, soit de l'argent ou des biens matériels, dans le sens tout ce que tu peux posséder qui a de la valeur ou que tu possèdes et qui sont parmi tes possessions. Et donc tout ça, ça fait partie des épreuves aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 15, dans surat At-Taghabun, « Innama amwalukum wa awladukum fitna » C'est-à-dire, vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve pour vous. C'est une fitna pour vous. Et Allah, c'est auprès de lui qu'il y a une grande récompense. Donc les biens qu'on possède, c'est une épreuve pour nous. Et il dit, c'est-à-dire que, est-ce que la personne qui possède ces biens-là, est-ce qu'elle a gagné cet argent ou ces biens qu'elle possède, est-ce qu'elle les a gagnés de manière halal ou non? Est-ce qu'elle l'a gagné de manière halal ou non? Est-ce qu'il la dépense d'une manière qui satisfait Allah ou non? Est-ce que son amour pour l'argent le poussera à dépasser la limite dans les transactions qu'il va faire et qu'il va tomber dans le riba ou dans al-maysir. Al-maysir, c'est les jeux de hasard, des choses de ce genre. Donc, parmi les différentes transactions économiques qui sont interdites par l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il dit, et c'est possible également que la fitna soit dans la façon dont il va dépenser ces biens-là. Comment il va les dépenser? Comment il va les utiliser? Est-ce qu'il va les dépenser dans l'obéissance d'Allah et dans ce qui amène son agrément? Hein? Et est-ce qu'il va faire sortir la zakat de cet argent ou de ses biens? Ou bien il va les dépenser dans le péché et dans la désobéissance et dans ce qui amène la colère d'Allah. Et il va les utiliser pour s'aider à faire ce qui est interdit parmi les tentations interdites et les plaisirs illicites. Tandis que la fitna à propos des enfants, eh bien, ça c'est dans la situation où tu dois les éduquer, tes enfants. Et parmi les choses que tu as comme responsabilité, que Allah t'a donné des enfants, tu dois veiller à leur éducation. Maintenant, est-ce que tu vas les éduquer et les élever sur l'obéissance d'Allah et sur le bien et sur le fait de faire leur obligation, de s'abstenir de ce qui était interdit, et tu vas être endurant sur tout ce qui va découler de cette éducation-là que tu leur donnes, comme par exemple la fatigue, hein, et l'effort que tu vas dépenser pour cette éducation-là. Parce que l'éducation, c'est quelque chose qui est fatigant. C'est quelque chose qui est pas facile, hein. Déjà pour l'éducation des enfants, il faut commencer par soi-même. Hein, tu peux pas éduquer tes enfants si toi-même t'es pas exemplaire. Et deuxièmement aussi, tu dois dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à leur expliquer et leur enseigner chaque chose. Donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Donc ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des épreuves. Et donc est-ce que tu vas faire cet effort-là et que tu vas endurer cette fatigue ou bien tu vas les délaisser et les abandonner. Hein? Tu les laisses à eux-mêmes. Tu dis, bon, hein, moi je suis fatigué là, avec les enfants, j'abandonne, j'arrête. Je les laisse, ils vont s'occuper toutes seuls, ils vont s'éduquer toutes seuls. Hein? Allahul Musta'an. Donc il dit, وَمِنْ الْفِتَنْ كَذَلِكَ فِتْنَةُ النَّاسِ بَعْدُهُمْ بِبَعْدِ فالله يبتلي المؤمن بالمنافق والمسلم بالكافر ويبتلي أولياءه بأعدائه قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا والله يبتلي المؤمنين بالكفار من أجل أن يقوم المسلمون بالدعوة والجهاد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلماته فالفتن كثيرة ومتنوعة فهل يخرج منها المؤمن أم لا يخرج فالخطر عظيم ولا بد للمؤمن أن يثبت على دينه ويصبر لا سيما في آخر الزمان الذي تكثر فيه هذه الفتن وتشتد أكثر من ذي قبل بسبب غربة الدين وقلة المناصرين والله المستعان. Donc le cheikh il dit que les fitnes, il y a aussi la fitna des gens. La fitna des gens, les uns avec les autres. Le cheikh, il l'a pas mentionné, mais il y a un verset qui dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضُكُمْ فِتْنَةً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Hein? C'est ainsi que nous avons fait les uns une épreuve pour les autres. Hein? C'est ainsi que nous avons fait des uns une épreuve pour les autres. Allez-vous être endurant? Allez-vous être patient? Donc, c'est pour dire que tout le monde est une fitna pour l'autre. Chaque personne est une fitna pour l'autre personne. Hein? Et si on vivait chacun tout seul, isolé, on n'aurait pas de problème avec les gens. Mais Allah, il nous a mis ensemble, les uns avec les autres. Et chacun d'entre nous, on est une épreuve pour l'autre. Et l'autre est une épreuve pour nous. Hein? Et le cheikh il explique aussi de façon plus spécifique que Allah subhanahu wa ta'ala il va par exemple éprouver le croyant par l'hypocrite. Hein? Et il va éprouver le musulman par le mécréant. Et il va éprouver ses serviteurs rapprochés par ses ennemis. Donc il y a toujours des épreuves, les hommes, les uns avec les autres, et les uns par rapport aux autres. Wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, masha'Allah. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Chaque prophète, il avait un ennemi. Il n'y a pas un prophète qui est venu que, il n'y avait pas d'opposant. Hein? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son message et il a voulu qu'il y ait pour chaque prophète un ennemi. Des fois, il y a des gens qui pensent que, comme si, pourquoi les koufars ils critiquent? Pourquoi les koufars ils parlent contre les musulmans? Pourquoi les koufars ils parlent contre l'islam? Pourquoi les koufars ils disent ci ou ils disent ça? Subhanallah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala par sa sagesse, il a voulu qu'il y ait ça. Hein? C'est pas pour rien. D'accord? Et c'est normal qu'il y ait ça, puisque même les prophètes, ils n'ont pas été épargnés de ça. Donc aujourd'hui, les gens, Allah musta'an, ils veulent, les koufars soient des gens qui aiment l'islam, et qui aiment les prophètes, et qui aiment les messagers, qui aiment la révélation, qui aiment les anges, qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, ils ne seraient pas des koufars, hein? Dans ce cas-là, ils seraient des musulmans. Donc, c'est pas logique. D'accord? Il faut pas s'étonner de ça. Il faut pas s'étonner. Il y a des koufars qui sont plus proches de l'islam, dans le sens que ils ont leur fitra qui est éveillée. Et quand ils entendent parler d'Allah, ou ils entendent parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils entendent parler de l'islam, ils se sentent plus attirés à la vérité. Il y en a d'autres koufars qui sont des ennemis déclarés. Quand ils entendent parler de l'islam, ils insultent l'islam, ils insultent les prophètes, ils insultent même Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des degrés parmi les koufars, mais peu importe, le devoir du croyant, c'est d'appeler les gens à la foi, s'il a de la connaissance et de la capacité, de les appeler avec la science qu'il possède à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça son devoir et sa responsabilité. Le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant. Il mentionne le verset, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. هَادِيًا, Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme guide, وَنَصِيرًا, comme défenseur, défenseur de la vérité. Et il dit, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les croyants par les koufars dans le but que les musulmans appellent à l'islam. Dans le but que les musulmans fassent la da'wah. Et également dans le but qu'ils luttent dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour élever la parole d'Allah. Et donc, les fitanes, elles sont nombreuses. Et on voit, parmi les exemples que le cheikh il a mentionné, qu'il y a différentes sortes. Il y a la fitna, comme on l'a dit, des shubuhat, la fitna des shahawat, la fitna... des malheurs, Naam, la fitna des biens et la fitna des enfants. Et le frère, il a mentionné la fitna des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Il n'y a pas une épreuve que j'ai laissée après moi qui sera plus dure ou plus nuisible pour les hommes que les femmes, que la femme. Donc la femme est une épreuve pour l'homme, et l'homme est une épreuve pour la femme aussi. Et il y a également un point que je n'avais pas traduit tantôt. Le cheikh, il explique que la fitna des shubuhat et la fitna des shahawat, on a dit les shubuhat, c'est dans la croyance, les doutes et les ambiguïtés. Wa alaykum salam, rahmatullah, ça va, akhi? Ça fait longtemps, Masha'Allah, barakallahu fik. Donc, il dit le cheikh que la fitna des shahawat, des tentations et des plaisirs illicites, ça c'est moins grave que la fitna dans la croyance. Parce que la fitna dans la croyance, elle peut te faire tomber dans la mécréance, elle peut te faire égarer complètement de l'islam. Tandis que la fitna dans les tentations ou les plaisirs illicites, eh bien, en général, yani, c'est des choses qui sont des choses que tu as faites qui vont te faire tomber dans des péchés. C'est des choses reliées à ce qui est haram, mais ça risque pas nécessairement de te faire sortir de l'islam complètement. Mais ça peut, yani, ça pourrait parfois, mais en général, c'est pas le cas. C'est pour ça que la fitna dans les croyances, c'est plus grave, c'est plus dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est pour ça que même que les ulama, ils considèrent que la bid'a, elle est plus dangereuse et plus grave que le péché. Hein? Naam. Donc, après, le cheikh, il explique, il dit que le musulman, donc, tout ce qu'on a parlé des épreuves et tout ça, il y en a de nombreuses fitanes. Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir ou non? Et si on sort d'une fitna, est-ce qu'on va en sortir croyant ou non? Hein? Ça, c'est dangereux. Donc, c'est très dangereux. Et le cheikh, il dit que le croyant, il doit donc rester ferme et faire des efforts pour essayer d'être ferme et d'être endurant dans sa religion, en particulier dans les derniers temps, parce que dans les derniers temps, il y aura encore plus de fitanes. Et elles vont devenir encore plus dures, les fitanes, qu'auparavant, à cause de l'étrangeté de la religion. La religion devient étrange à la fin des temps, plus qu'auparavant. Et parce que les gens qui s'accrochent à la religion ont peu de défenseurs, ont peu d'alliés, ont peu de supporters. Hein? Wallahu al-musta'an. Et le cheikh, il explique ensuite l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa qawluhu ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. » Hada tahdhir, ay ihdharu wa khudhu alwiqaya min fitna. Ja'at nakiratan min bab at-ta'zim laha, fa hiya قد تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منها وإن لم ينكروها ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوها فإنها تعم عقوبتها الصالح والطالح ولذلك جاء في الحديث إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها وإن ظهرت فلم تغير ضرت العامة وذلك لأن الطالح يعني يعاقب بمعصيته وأما الصالح فيعاقب لأنه لم ينكرها. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25 dans sourate Al-Anfal, ce qui signifie, et craignez une épreuve ou une fitna qui ne frappera pas uniquement les injustes parmi vous, hein, qui ne frappera pas en particulier uniquement les injustes parmi vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un avertissement que la fitna, si les gens ne la condamnent pas, les gens du bien, ils ne la condamnent pas, c'est-à-dire ils ne condamnent pas le mal que les gens du mal font, lorsqu'ils font le mal et qu'ils n'ordonnent pas le bien et qu'ils n'interdisent pas le mal, eh bien, ils vont être touchés par la fitna eux aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement les injustes ou les gens du mal qui vont être touchés par la fitna. Ça va être un châtiment général. Parce que les gens du bien, ils ont une responsabilité vis-à-vis des gens du mal, c'est de les interdire de faire le mal. Et le cheikh, il explique ça en disant que prenez une protection contre la fitna. Et le cheikh, il dit, une fitna quelconque, peu importe, il mentionne qu'elle est mentionnée dans le sens ici indéfini pour mentionner que yani, c'est quelque chose de grave. Puis il dit, cette fitna, elle va non seulement toucher à l'injuste, mais elle va également toucher à celui qui est pieux. Pourquoi? Parce que lorsque les gens voient un péché ou quelque chose de mal qui se fait ou une injustice et qu'ils ne se tiennent pas sur leur devoir, leur obligation d'ordonner et d'interdire, eh bien dans ce cas-là, s'ils n'ont pas ordonné le bien, ils n'ont pas interdit le mal et qu'ils n'ont pas yani, opposé et condamné cette chose-là, alors ils seront punis tous. Le pieux et l'impie ou la personne qui fait le péché. Et il mentionne une parole ou un hadith, c'est rapporté par Tabarani. Il dit, lorsque le péché est caché, il ne fait du tort qu'à la personne qui l'a fait. Lorsque le péché est caché, il ne fait du tort qu'à la personne qui fait ce péché. Tandis que lorsque le péché devient apparent et qu'il n'est pas changé ou n'est pas corrigé, hein, ou condamné, eh bien dans ce cas-là, il fait du tort à tout le monde. Hein? Donc c'est pas la même chose. Le péché qui est fait publiquement, c'est pas la même chose que le péché qui est fait en privé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Des fois les gens ils disent, moi j'ai fait, ils disent, c'est entre moi et Allah. Ils font un péché en public, puis ils disent, ça c'est entre moi et Allah. Mais si tu l'as fait devant les gens, c'est plus seulement entre toi et Allah. C'est un péché entre toi et Allah quand tu le fais que personne te voit. Mais quand tu le fais devant tout le monde, tu peux pas dire ça c'est juste entre toi et Allah. Les croyants sont témoins de ton péché. Hein? Les gens sont témoins de ton péché, ils ont un devoir et une responsabilité vis-à-vis de toi, par rapport au fait que tu fais ce péché-là. Hein? C'est comme ceux qui disent, par exemple, seulement Dieu peut me juger, hein? Ou des choses de ce genre. Si c'est quelque chose que les gens voient et ils sont témoins de qu'est-ce que tu fais, c'est sûr qu'ils ont une responsabilité et ils sont en même temps responsable de qu'est-ce que tu fais, puisqu'ils ne t'ont pas interdit de faire ce que tu fais, ils t'ont pas donné le bon conseil, ils ne t'ont pas ordonné le bien, ils ne t'ont pas interdit le mal, alors que c'est leur devoir de le faire. Le cheikh il dit, وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّالِحْ يُعَاقَبْ بِمَعْصِيَتِهِ. La personne qui est mauvaise, qui fait des péchés, elle va être punie pour son péché. Mais le pieux, celui qui est croyant, qui est religieux, il va être puni parce qu'il n'a pas condamné le péché de la personne qui l'a fait. Et il dit, le cheikh il explique ce verset-là. Il dit, من فوقكم كالصواعق والرياح المدمرة والحجارة والأعاصير المهلكة وقوله أو من تحت أرجلكم يعني الزلازل المدمرة والبراكين والقنابل المدفونة وقوله أو يلبسكم شيعا وهذا أشد فإن الله إذا شاء سلط العباد بعضهم على بعض فصاروا شيعا وأحزابا وهذا فيه تحذير من التحزب والحث على الاجتماع وطاعة ولي الأمر والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط بعض الناس على بعض كما هو المشاهد اليوم حيث تحدث هذه الفتن بين الناس وما يعقبها من حروب طاحنة لا لشيء وإنما لأن الله سلط بعضهم على بعض وسبب ذلك الكفر والمعاصي والاختلاف والتفرق وجعل الناس شيعا أشد من العذاب الذي يرسله من فوق أو من تحت. Donc le cheikh il dit, comme dans le verset que le cheikh a mentionné, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de faire tomber sur vous un châtiment de par au-dessus de vous ou de par en dessous de vos pieds ou de vous faire tomber dans des divisions et des schismes. Et donc, il explique que par au-dessus de vous, ça veut dire comme par exemple la foudre, les vents, les tornades, hein, les ouragans, les choses comme ça, et les pierres qui peuvent tomber du ciel ou des choses de ce genre, la grêle et ainsi de suite. Ou bien par en dessous de vous, par en dessous de vos pieds, comme les tremblements de terre, comme les volcans qui explosent, comme toutes sortes d'autres choses qui peuvent exploser, hein, les tsunamis et autres. Et il dit, ou bien qu'il vous fasse tomber dans le schisme ou la division, et il dit ça c'est encore plus grave. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que certains serviteurs frappent d'autres ou écrasent d'autres. Et donc ils deviennent des groupes et des sectes et des partis. Et ça c'est un avertissement contre le fait de se séparer et de se diviser en groupes. Et c'est une incitation à s'unir et à obéir à celui qui est responsable et qui est dirigeant sur les musulmans. Et il dit, le but et l'objectif hein, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici, c'est pour clarifier que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre certaines personnes au-dessus d'autres. Et c'est ça ce qu'on constate dans les différentes épreuves et les différentes tribulations et les différents problèmes qui se passent et les guerres qui arrivent dans le monde. Du fait que certaines personnes sont attaquées par d'autres, hein, et la cause de souvent de ces choses-là, c'est la mécréance, ou c'est les péchés, ou c'est les divergences, ou la division, qui fait que les gens deviennent en partie et en groupe. Et donc ça, c'est plus grave encore que les châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire tomber sur les gens par au-dessus d'eux ou par en dessous. Hein? Allah al-musta'an. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et demain, bi'idhnillah, on va continuer la suite de ce chapitre. Et comme je disais aux frères la semaine passée, ce chapitre sur les fitanes, il est assez long. Je pense que c'est un des plus longs chapitres dans le livre. Donc, on va passer plusieurs cours sur ce sujet. Peut-être trois cours. Il reste peut-être deux autres cours encore sur ce chapitre-là. Donc, là demain on va le faire, puis on va commencer plus tôt inchallah demain. Donc c'est ça, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.